Salut Tonai. Salut Jack. Comment ça va? Ça va. Ça me fait plaisir de voir. Moi aussi. Et on n'a jamais perdu autant de temps entre chaque capsule. Ça se voyait pas. Hein. T'étais pas obligé de le dire. Ah bon? Ben non, c'est vrai que ça se voyait pas. Je vous rendez pas compte, mais bon. Et normal, là, ça va faire 2 heures que t'es là. Mais déjà? Bah oui, 17h30. Je suis arrivé à quelle heure? 15h30. Putain, mais j'ai... Hey ça passe. Mais non, mais là, je suis choqué, là, par contre. Bah oui, là, c'est... Ah ouais. Ouais, ça fait. On devrait être en train de jouer à Street, normalement. Ouais, on devrait être en train de jouer à Street. Donc là, tu dois sûrement te demander, mais pourquoi a-t-il choisi ce troisième groupe? Je me le suis demandé. À un moment donné. À un moment donné. Ça s'entend que je mens. Et ben, du coup, moi, je vais te raconter, en fait, comment j'ai découvert ce groupe. Ah ouais, ouais? Ah, tu le connaissais? Bah oui, je sais pas. Bah, il aurait pu l'avoir découvert. Il y a quelques jours, oui, t'en as découvert un. Oui, mais bon, celui-là, je te rappelle que celui d'avant, je le connaissais déjà. Par contre, c'est vrai. Et que celui-ci, il est aussi déjà venu au Hellfest. Il est d'ailleurs venu en 2019. D'accord. Donc, tu l'as peut-être même vu. Alors, je peux te dire qu'on l'a chroniqué. J'ai pas retrouvé l'épisode parce que j'ai pas d'archives qui remontent aussi loin. Mais effectivement, je l'ai déjà vu. D'accord. En fait, il se trouve qu'en 2016, c'était l'époque où vraiment je faisais beaucoup de démarches pour être accrédité dans des festivals, afin de prendre des photos et tout ça. Okay. Et je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais j'ai été accrédité au Download Festival, à la première édition. Oui, je me rappelle de cette histoire. Et donc cette histoire était un peu d'un coup de bluff que j'ai fait, et qu'au final ils m'ont donné une accrède. Et il se trouve que j'avais très mal préparé ma venue. Okay. Et qu'il y avait énormément de groupes que je connaissais pas qui étaient là. Par exemple, il y avait Avatar que je connaissais pas. Ok, d'accord. Que j'ai découvert là. Ok, ok. Et donc je passais d'une scène à l'autre comme ça, sans forcément savoir quel groupe j'allais voir ou pas. Okay. Et il se trouve qu'ils avaient deux grandes scènes principales qui étaient en face l'une de l'autre, mais très éloignées, et une toute petite scène à moitié sous tente qui était à côté de la grande scène. Et donc ça alternait un peu les concerts comme ça. Et il y a un moment donné où je me suis rendu sous une petite scène et je commence à voir un groupe que je connaissais pas, qui justement avait un look très particulier, une manière de jouer très particulière. D'accord. Et c'est ce groupe-là qu'on va parler. D'accord. Mais avant d'en dire plus, je vais essayer d'aller plus loin. Est-ce que t'aurais pas un petit générique? Ouais, alors, je t'en ai fait un petit. Il faut savoir que Tonai m'a avoué qu'il les écrivait maintenant. Il les préparait. Alors, pas tous, mais celui-là, ouais, je me suis marré à l'imaginer, celui-là. Bah, je t'en prie. Et alors, petit défi. Attends, on fait genre, on monte. T'es prêt? Ok. Attends. Est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit générique, mon bon Tonai? Allez, let's go. Allez. En total, pas un pro cette fois. Allez, petit défi, essaye de trouver l'air d'origine de. D'accord? Ok. Je vais essayer de bien le faire. Ok. Parce que moi, je suis pas chanteur à la base. Non, il est pas chanteur. Non. Non. Batteur. C'est parti. Parti. Dès qu'il y a un générique à la radio avec un air qui me plaît, je l'écoute. Je l'écoute. Dès qu'il y a un générique à la radio avec un air qui me plaît, je l'écoute. Je l'écoute, je collectionne les génériques. Avec moi, Jack. Je collectionne les génériques par milliers. Je collectionne les génériques. Avec moi, Jack. Non, c'est pas ça. Je collectionne les génériques pour vous. T'as reconnu? Ouais. Oh là là. C'était. C'est un truc qui est pas bien quand on est malade. Et là, ils l'ont fait d'une façon ultra. Tu l'as? Je l'ai, ça y est. Tant que ça monte. Eh ben, générique. Encore? Ah merde. C'est la magie du montage, Tonai. Ah là là là là. Et donc, comme je te le disais avant, devant moi, un groupe habillé comme des chanteurs de glam des années 70-80. Tel Motley Crue, avec vraiment le look complet. Et la manière de se déhancher exactement la même. Sauf que, tu me croiras ou pas, et j'ai pris une claque. Une claque monumentale. Sur le live? Ah ouais, j'ai vraiment... Et j'ai dit, oh, c'est trop bien. Ah ouais. Alors que moi, c'est pas du tout ma cam. D'accord. Donc je pense que maintenant tu vas pouvoir nous dire de quel groupe on va parler. Ouais, je pense que tu vas me parler de Black Rain. On va tout de suite parler de Black Rain. Ah En plus, on pouvait pas plus coller dans l'actualité parce que Black Rain a sorti justement un album aujourd'hui. Mais non. Ben si. Celui que j'ai écouté ce matin. Oui, celui que t'as écouté ce matin. J'aurais dit que je l'ai écouté hier, j'aurais perdu. Menti. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que les gens ne vont écouter cette capsule que dans une semaine. Donc, ils vont l'écouter le mercredi normalement. Vu que... Bah, normalement, ils vont deviner quel jour on est alors. Aujourd'hui? Bah, si je dis que je l'ai écouté ce matin. Oui. Oui, puis en général, c'est souvent comme. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le groupe vient au Hellfest pour la deuxième fois et ils vont jouer en main stage cette année. Ok. Donc, on va parler de Black Rain, qui est un groupe français de glam metal. Ils préfèrent que. Enfin, ils préfèrent glam metal que glam rock. Quoi, tu savais pas qu'ils étaient français? Pas carrément. Si, ok. Parce qu'ils sont français. Ok. Ah, mais grave. Je connais l'émission, ils auraient fait Cocorico. Et bah, exactement. Et eux, ils préfèrent qu'on dise hard rock d'ailleurs, plus que glam metal. Ah ouais? Ouais, ils préfèrent. Ils se considèrent. Okay. Mmh. Alors que dans les débuts, on était un peu plus sur du hard heavy speed. Là, après, on est passé sur glam metal. Et maintenant, on est selon eux, un peu plus sur du glam rock. Okay, okay. Donc, c'est un groupe français. Alors, j'avais mis tout plein de trucs là. Et j'ai un peu. Bah, si ça revient un peu dans les origines. Donc, le groupe s'est formé en Haute-Savoie en 2001. D'accord. 2001, donc, ah oui. Donc le groupe a quand même 25 ans, oui, hein. Donc on est pas mal. Okay. Donc en Haute-Savoie, en fait, à la base, c'est quand même des potes de lycée. Vraiment, à la sortie du lycée, ils étaient deux. Donc il y avait Swan et Jérém. Non, là, je suis en train de mélanger n'importe quoi. Ah. Ouais, je suis en train de faire... Non, il y avait Swan et Max, qui a depuis quitté le groupe. D'accord. Après, ils ont trouvé leur bassiste, Matt. Après, ils ont trouvé un batteur, parce que là, c'est pas... pas très bien rangé, ce que j'ai marqué. Ah. Donc, mais à la base, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un groupe d'amis. Donc, c'est une histoire d'amitié. Okay. Au début, ils ont commencé un petit peu à faire comme n'importe quel groupe. Ils jouaient des reprises, mm-hmm. du Motley Crue, ce genre de trucs qui sont vraiment un peu inspirés par eux. Mm-hmm. Et après, ils ont eu rapidement marre. Donc, ils ont commencé à faire le propre compo. Okay. Et ils se sont dit, bah tiens, on va faire notre compo à notre manière et tout. Et après avoir... on va pas se mentir, comme c'était un peu un groupe d'amis, ils n'étaient pas vraiment à fond. Dans leur truc, ils étaient plus en mode ouais, c'est un groupe un passion, peu trop quoi. Détente ou... voilà, c'était un truc un peu à détente. Okay. Et puis ils avaient des potes qu'ils étaient dans un groupe suisse, parce qu'il faut savoir que la Haute-Savoie, c'est très proche de la Suisse. Mm-hmm. Et donc ils étaient partis jouer au Japon, donc ils sont partis les rejoindre parce qu'il y avait une espèce, si je dis pas de conneries, il y avait un producteur qui les a dit bah ouais d'accord, venez là-bas. Et en fait, quand ils avaient arrivé, ils se sont rendu compte qu'ils savaient pas très bien jouer et qu'ils étaient pas très bons, donc ils les a fait jouer en fait tous les soirs. C'est eux qui leur a dit ah, on va se bouger. Et donc eux, ils ont joué tous les soirs et ils sont vraiment améliorés. Et... ok, d'accord. Ouais. Ok. Donc du coup, parce qu'ils avaient quand même envoyé une démo qu'ils avaient faite avant pour convaincre, mm-hmm. mais arrivés mm-hmm. sur place, ils ont dit oh, qu'est-ce que c'est que ces mecs, vous avez triché sur la moquette, c'est vous qui jouez sur la moquette, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Okay. Ils se sont rendu compte que vraiment ils étaient, et en fait à force de jouer à l'arrache et de recommencer tous les soirs, bah ils se sont dit bah en fait là on va devenir plus sérieux. Ils sont venus en fait en mode direct. Ok, bosseur un peu. Voilà, bosseur, okay. plus sérieux, et mm-hmm. ça les a vraiment, ça leur a vraiment servi. Okay. Même si entre deux, ils étaient quand même, ils jouaient et ils buvaient un peu tous les soirs. Donc ça a été un peu, c'était le rock. Ah quoi. Oui, il fallait trouver un juste milieu, voilà, quoi. Voilà. Donc, ça les a vraiment donc formés. Donc en revenant, ils ont pu commencer à vraiment se mettre à jouer. Tiens d'ailleurs, ils devaient déjà avoir enregistré leur premier album. J'ai dû faire une. Parce que j'ai très mal rangé mon document. Ah ouais. Bah alors ? Ouais, parce qu'en 2006, ils ont sorti le premier album Black Rain. Et c'est là, ils sont revenus pour refaire le deuxième album. Donc, Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est là qu'ils ont commencé à vraiment se prendre au sérieux, se traiter le truc sérieusement. Perfectionner. Voilà. Et donc là, ils ont vraiment, le deuxième album commence déjà à marquer un tournant dans l'histoire du groupe, parce que c'est aussi là-bas qu'ils ont découvert que tout ce qui était vraiment de le glam rock et tout ça, et qu'ils se sont dit, putain, mais ça nous parle vraiment. Ok, ouais. Donc, ils ont un peu trouvé leur voix, quoi. Un peu, d'une certaine manière. En fait, ce qui est marrant aussi avec ce groupe, c'est que ça fait donc 25 ans, et pourtant, bah, ils restent à la fois connus et pas si connus. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis tombé sur eux un peu par hasard, alors que donc, bah, ils étaient déjà un peu connus, mais pas trop. Et aujourd'hui, bah, ils sont un peu dans une espèce d'entre-deux, toujours. Ouais. C'est-à-dire, ils sont toujours connus, mais ils ont toujours un peu une carrière dans l'ombre. D'accord. Et c'est d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire une petite parenthèse, Orphan of the Light, qui est leur nouvel album, mm-hmm. bah, c'est un peu ce qu'ils veulent dire à travers ce titre, en fait. C'est que toute leur carrière a été faite dans l'ombre, mais qu'ils cherchent à aller vers la lumière. Voilà. D'accord, ouais. À noter aussi récemment que leur Max 2, il est parti l'année dernière. Ils ont trouvé un nouveau guitariste, mm-hmm. à savoir Jérém, qui l'ont trouvé via les réseaux sociaux. Ok, ah ouais, d'accord. Cherchant sur Instagram un mec qui jouait très bien. En plus, il habitait pas loin d'eux, donc. Mm-hmm. Ils ont reçu une maquette, ils ont fait, ah ouais. Ouais. Je voulais te dire aussi un truc, et j'espère retrouver où c'était. Dans ton bordel. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas... Ça m'étonne pas, hein, quand je vois ton bureau. Oui, alors, j'ai compris. Vous voyez pas, vous. Non, c'est une merde. Non, je rigole. Non, il a raison, c'est le bordel sans nom. En fait, c'est qu'aujourd'hui, ils vivent tous un peu à des endroits différents. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, ils répètent à distance et alors, tout. Alors, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire. Ah, ils répètent pas du tout. Voilà. Merde. En fait, de la, faut retenir que de la version de base, il reste que Swan, donc, qui est le guitariste chanteur depuis 2002. Ouais. Mathieu, donc, le bassiste depuis 2002. Il y a eu Jérém, comme je l'ai dit, qui est arrivé un peu, au début, il est arrivé en remplacement quand Max pouvait pas jouer. Mm-hmm. Et il est resté finalement dans le groupe. Et il y a surtout, arrivé en 2023, Frankie Costanza. L'ancien batteur de Dagobah, qui est aussi batteur dans les tambours du Bronx et tout ça. Ouais. Ah ouais, là, ils ont du lourd, là. Ouais, et en plus, lui, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il viendrait faire dans un groupe type glam metal. Mm-hmm. Mais en fait, lui, il a commencé la batterie en étant fan, justement, du jeu de Tommy Lee dans Motley Crue. Voilà, exactement. Okay. Putain, j'ai eu un trou de mémoire, mon pote. Un truc de malade. Je croyais que tu faisais exprès. Tu tendais la perche pour voir non, si. Non. Si je savais, quoi. Ouais, non, mais ça, voilà, j'ai eu vraiment un. Donc j'en étais où moi dans mon histoire, parce que j'ai un peu tout mélangé. Bah, le batteur de Dagobah qui est arrivé. Voilà. En 2023. À savoir que donc tout s'est plutôt bien passé dans leur carrière, ils ont monté progressivement. Mm-hmm. Par exemple, ils ont fait la rencontre de Danny Terbesch, qui était le fondateur d'Enfer Magazine, un célèbre magazine de l'époque sur le rock et un peu le metal. Okay. dans les années 80, qui leur a permis de les mettre en avant en faisant plus de shows et plus de trucs, mais eux, mm-hmm, ils ont été moins fans, donc après ils sont plutôt restés entre eux, ils ont préféré rester entre eux. Petit fun fact, en 2012, ils ont participé à l'émission La France a un incroyable talent. Mais non. Ils reçoivent des avis très favorables et ils finissent en quatrième. En 2012 En 2012, ouais. Ils finissent quatrième lors de la finale de l'émission. J'ai jeté un œil. Ouais, je voulais le faire, j'ai oublié. Donc, vraiment, en fait, le groupe, ça se passe bien pour eux, ça progresse. Mais en fait, ça progresse, mais comme ils le disent, en fait, et pourtant, ça reste toujours plus ou moins intimiste. Mm-hmm. Parce que il me semble que toi, t'as pas du trop en entendre. Non, parler. Du tout. Donc, ils ont. Continue de sortir des albums, continue de marcher pour arriver jusqu'au Hellfest 2019 où ils ont joué aussi en main stage et ça s'est très bien passé de ce côté-là. Mm-hmm. Maintenant, je vais parler un petit peu de comment ça se passe au niveau de l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que, bah, par exemple, en fait, c'est Swan qui compose la majorité des morceaux. Okay. Donc lui, il habite en Suède maintenant. D'accord. Okay. Il envoie les démos au reste du groupe qui renvoie avec leur partie parce que chacun a un home studio. Oh. Ils composent chacun ses œuvres et ils se renvoient. Et avant d'avoir une date, ils se voient une fois pour répéter le set. Ouais. Et c'est tout. Ah, et ouais. Comment ça s'appelle? Tu vois, pour te dire là, le nouvel album, une fois qu'il était terminé, depuis, enfin, que le nouvel album est terminé, Swan, il a déjà renvoyé 10 morceaux de plus. Parce que j'ai lu une interview qui date d'il y a 15 jours ou il y a un mois. Frankie, il dit ouais, il nous a déjà renvoyé 10 morceaux de plus. Et le bassiste, il dit ouais. Et depuis les 10 morceaux, il en a recomposé 2 de plus. Ah ouais, d'accord. Donc il y a déjà, genre, peut-être 12 morceaux. Des morceaux pour le futur prochain album. Ouais. Donc et en fait Matt il explique que ils jouent chacun de leur côté, ils s'enregistrent chacun de leur côté et ils ont pas besoin de répéter parce qu'ils l'ont fait avec plus de 20 ans d'expérience, ils disent on l'a fait des centaines et des centaines de fois tous les week-ends, tous d'accord, les ans. Ouais, donc aujourd'hui ils se on connaissent a plus bien besoin. D'accord, OK. Ils sont à l'aise avec cette façon de faire. Bah du coup Swan il est en Suède, Franck bah, il est à Marseille. Ouais. Ouais, bah après ils ont pas le choix mais toi, ils sont vraiment dire, déplacés. Ça pourrait être compliqué pour certains. Oui, mais c'est marrant de se dire que ça. Justement aujourd'hui ce n'est vraiment plus un problème pour les gens qui veulent. Alors, selon moi, mais ça c'est pareil, je suis pas dans un groupe, mais je trouve qu'on perd peut-être un peu de la magie d'être dans un groupe, mais c'est vraiment un avis personnel. Mais comme oui. Eux, c'est leur... Oui, oui. Boulot, ouais, parce qu'ils sont habitués à bosser un peu dans leur bulle, voilà. Ils se voient sur le live un petit peu en direct, quoi. Donc, il n'y a pas cette alchimie d'habitude de jouer ensemble, tout ça. Mais pour moi, on perd peut-être ce côté-là, mais comme ils sont à un autre niveau, que c'est un boulot, c'est pas le souci. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que dit Matt, le bassiste, c'est que lui, en fait, il base énormément son jeu de basse sur la façon dont il va pouvoir jouer en live et le côté de jouer le minimum de notes. Justement, pour avoir un jeu libre et qui groove et qui va venir soutenir la batterie et venir faire ce qu'il faut en live, parce qu'en fait, c'est majoritairement un groupe de live dans le sens où quand t'écoutes leurs morceaux, il y a beaucoup d'hymnes et de moments à reprendre en live avec des, tu sais, des au milieu de leurs morceaux. Si tu le dis. Ça t'a pas percuté ça ? Non. Bah, moi, c'est un truc vraiment qui m'a marqué. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai vu moi à l'époque en live. Ok. Et donc, je vais pas essayer non plus de parler pendant des heures. Tout marche plutôt bien sur. Ouais. Et là, si, alors, petite fin pour finir. Sur, pour le dernier album, afin de le mettre en avant, ils ont fait une huitaine de clips. Et autant c'est Swan qui gère toute la musique du groupe, autant c'est Matt, le bassiste, qui s'est occupé de la prod. Toute la partie visuelle. Voilà. Okay. Et qui a fait, qui a peut-être même réalisé les clips, mais en tout cas, c'est lui qui s'est occupé de tout gérer ce truc-là. Okay. Les emplois du temps, les budgets et tout ça. Et que ça ils font tout à distance aussi Non, ils se retrouvent pour faire ça. Mais voilà, donc. C'est un groupe français que je n'aime pas spécialement, enfin que je n'écoute pas spécialement plutôt, que je n'avais pas, là tu vois, entre. Je retiens quand même que le live t'as pris une grosse claque. J'y retourne justement en disant, pour te dire, de là où je les ai découverts en 2016, j'avais adoré le live, je suis pas forcément retourné écouter. Quand j'ai dû les chroniquer, je crois que c'était moi, je suis pas sûr que ce soit Bob, pour le podcast, j'avais réécouté en fait, mais entre deux j'écoute pas. Ouais. Là j'ai écouté le dernier album, qui franchement je trouve qu'a exactement les éléments que je te disais, avec des passages pour chanter en live, des morceaux un peu taillés de ce côté-là, et dans ce qu'ils font, et dans le style qu'ils font aujourd'hui. Parce que imagine, il y a 20 ans, déjà faire ce style-là, ça devait être un peu dur à vendre auprès des gens, mais aujourd'hui, en 2026... Bah surtout qu'il y avait des monstres en plus de ce style-là. Ouais, mais c'était déjà plus à la mode. Hein. Il y a 20 ans déjà? Ah, non, c'est déjà plus à la mode. Oui, c'est vrai, oui, d'accord. C'était déjà plus à la mode. Donc imagine, en 2026, continuer de faire ça et de faire son petit bout de chemin... Et de le faire de cette qualité-là, moi, je suis. Oui, enfin, c'est pas tout. Oui. Je suis pas du tout un fan, mais je peux pas oublier ce que j'ai vu en live, qui était incroyable. Ah, et ouais. c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce groupe, pour la claque que j'ai prise à l'époque. Maintenant, vu quelques sous-entendus, j'ai déjà un peu une idée de ce que t'en as pensé, mais je te laisse nous en parler. Alors, écoute, voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est vraiment pas ma came, là, pour le coup, ce style un petit peu, j'ai pas trop envie d'avoir de jugements un peu trop durs, genre à l'ancienne, un peu kitsch ou machin. C'est juste que moi, vraiment, je rentre pas du tout dans ce style-là, vraiment. Ouais. Donc, j'ai un peu survolé, je vais pas te mentir. Oh là là. Bon, le dernier album, je l'ai bien écouté. Ça, je vais, t'as voilà. Non, mais après, c'est pas surprenant. C'est pas le premier groupe que je découvre un peu dans ce style-là. Ouais. Et après, tu vois, il y en a, j'aurais un peu plus apprécié dans mes souvenirs sans pouvoir te donner de nom, parce que c'est pas vraiment un truc, c'est vraiment un style qui me parle pas trop. Okay, vraiment je c'est pas trop mon délire. OK. Ouais, c'est voilà, j'ai pas de titre retenu, j'ai même pas de d'hymne qui m'est resté en tête ou aïe. Vraiment là pour le coup là Black Rain écoute, c'est français. Oui. Je suis quand même content de l'avoir appris parce que je l'ai pas entendu. Ah, quoique, maintenant que tu me le dis, c'est pas dans celui-là où ils ont un titre français, L'amour détruit. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, il y a. Tu vois, je me rappelle d'un titre. C'est bien. Bravo. Non, désolé, c'est vraiment pas du tout mon style. Là, pour le coup. Là, il y a peu de chances que je me retrouve devant, même si je pourrais passer à côté d'un truc, mais il y a des chances que si à ce moment-là j'ai le choix de me peut-être manger, de me reposer, peut-être je le ferai. En fait, tu vois, même moi qui t'ai vendu le live et qui dit que je retrouve quand même quelques qualités musicales qui ne me déplaisent pas, mais je suis pas sûr d'aller les voir au Hellfest. Par contre, je serais assez curieux et même de pouvoir les revoir en salle à l'occasion. Tu vois, j'ai envie de les revoir dans cette configuration-là. De comparer avec ton souvenir. Parce que si tu l'avais préparé à l'époque, l'aurais écouté, t'aurais peut-être pas été en mode. Je vais y aller. Non, je pense que j'aurais peut-être même pas été. Ouais. Tu vois, donc j'ai vraiment pris une bonne claque en live et ça compte. Quelque part, heureusement que tu avais pas tout préparé parce que tu l'aurais peut-être pas pris cette claque. C'est vrai. On va dire. Après, la différence avec le download de l'époque, c'est comme il y avait pas forcément de concert en même temps. Mmh. Ah, si, il devait y en avoir en plus en même temps. Enfin, en tout cas, c'était un concert sur deux qui était en même temps, donc j'aurais normalement pas manqué quoi. J'ai été faire le curieux et tout quand même. Donc, mais je regrette pas cette expérience de l'époque. Ouais. Et ça n'a pas marché. Écoute, ça arrive. C'est clair. Non, c'est de toute façon dès les premiers titres et tout. Bon, j'ai été survolé un peu tous les albums. Et je suis resté un petit peu sur ce que je me doutais un peu. J'ai tout de suite un petit peu entendu le style et puis j'ai fait ça va être compliqué. Écoute, on n'est pas à l'abri d'une surprise et j'en ai pas eu. Eh ben c'est pas grave. Et non, c'est. J'espère que tu m'en voudras pas de ce choix. Mais pas du tout. Oh là là. Non. Alors tu vois, ça va pas enlever ma confiance. Ah c'est gentil. Je la garde quand même. Non mais tu vois, il y avait une raison. Tu vois, il y avait un lien. Il y avait un process pour dire pourquoi j'ai choisi ce groupe-là. Ouais. Bah oui, non, non. Puis bon, il y a ça, ça, c'est un style qui plaît à beaucoup. Il y a peut-être des gens qui vont apprendre à connaître ce groupe-là, bien qui sûr. Vont kiffer. Et c'est aussi ça le but de ces capsules. Exactement. Hein? Le partage. Exactement. Bah écoute, je te propose qu'on en reste là, Tonaï. On en reste là. On se retrouve Jack. Rapidement. Ok. Au plaisir, Tonaï. À merci très rapidement. Encore. Salut, Tonaï. Tchou. Montage. Et attends, ouais, non. C'était juste pour dire que j'ai oublié de dire. Black Rain a fait aussi la musique d'un film. Lequel? Alors, c'est un slasher. Merde, comment on appelle ça? Ah ouais? Ouais, un slasher argentin. Ils ont fait la BO du film Nadie va escuchar tu grito. Merde, et c'est un type, c'est un mec qui est fan du groupe et qui leur a demandé de faire la BO, donc ils l'ont fait. Voilà. Donc okay. Ça, c'est rajouté en petit bonus de fin de capsule que j'ai oublié. Voilà, ok. Désolé. Montage. Montage grave.